Avec sa maman, Léo vient à l'école. Il marche dans la rue et il fait attention pour traverser, parce qu'il y a des voitures. Il n'est pas content. Il ne veut pas aller à l'école. Il veut rentrer chez lui. Maman lui dit « Allez, tu vas à l'école et tout de suite !» Océane, elle, est contente d'aller à l'école. Elle y chante « Petit Papa Noël ». Léo et Océane rentrent dans l'école. Ils mettent leur manteau au porte-manteau, puis ils rentrent dans la classe, ils jouent aux voitures, aux Lego. Océane va jouer dans la cuisine. Maintenant, Léo est content parce qu'il aime bien les voitures. Il y a beaucoup de bruit dans la classe. C'est l'heure du travail. Les enfants sont assis sur des chaises. Tout est calme. Léo découpe avec des ciseaux pour faire des étiquettes. Océane, elle, prépare son poisson arc-en-ciel en collant des petits ronds. Elle a bien travaillé. Océane dit « Maîtresse, je dois faire pipi. » Alors la maîtresse répond « Va vite !» C'est l'heure de la récréation. Léo et Océane mettent leur manteau et ils sortent. Léo fait la course avec Océane et d'autres enfants. Un garçon le pousse et c'est la bagarre. Il est en colère. À la cantine aujourd'hui, on mange des frites avec du ketchup, de la salade et du poisson. Et des kiwis en dessert. Léo et Océane adorent la cantine parce que c'est très bon. À l'heure de la sieste, ils prennent un tapis et leur coussin. Il ferme les yeux, tout est calme.